En ce début décembre, je suis avec Death et Thomas du groupe Altarossa, pardon les gars, du groupe Altarossa, pour parler de leur nouvel album qui vient de sortir sur Aton Records. Et on va parler aussi plus largement de votre groupe. Déjà, ma toute première question avant de commencer, c'est comment vous allez? Bon, écoute, on va plutôt bien. Toi, c'est des périodes super sympas, ça, tu vois, quand t'as ton album qui est sorti, donc tu profites. Et on est content de répondre à toutes les questions. On a pas mal de reviews qui sont déjà tombées, de bons échos. Tu vois, ça commence super bien, donc on va plutôt bien. Ouais, c'est positif. Ok. Bah justement, on va commencer par une question toute bête, à savoir est-ce que vous pouvez vous présenter pour présenter un peu l'histoire de votre groupe, parce que j'ai pas mal cherché pour essayer un peu d'introduire, d'en parler, mais finalement j'ai pas trouvé des tas de choses à part votre ville d'origine sur Internet. Donc si vous pouvez un peu recontextualiser qui vous êtes et comment Altarossa en est arrivé à ce que vous faites aujourd'hui, ça serait déjà cool. Eh ben, moi c'est Thomas, je suis guitariste et je vais laisser la parole à Dess pour la Bah, bien sûr. présentation et puis la présentation du groupe. Altarossa, ça date de, on va dire quoi, 2019-20, on va dire. On a notre premier album qui est sorti il y a 2 ans, presque 3 ans, déjà sur Southern Records. On est 5 dans le groupe, donc il y a Thomas à la guitare, Antoine au chant, Jordan à l'autre guitare, Mathieu à la batterie et moi, Dess, à la basse. On est de Besançon, on a tous pas mal de groupes avant, et puis on s'est rencontrés sur ce projet parce qu'on avait envie de faire quelque chose de plus un peu différent, et puis de mélanger un peu nos références, notre expérience là-dedans. Et puis on est parti à fond, on a enregistré le premier pendant le Covid, et puis après on a bossé pendant 2 ans sur ce deuxième album, qui est plus un vrai album que le premier, on va dire. Voilà. Je te trouve dur avec votre premier album pour le coup. Non, c'est pas ça. C'est que le premier album, il était, enfin, on le dit souvent, il était vraiment fait dans l'urgence parce qu'on était en plein Covid, confinement, et puis qu'on avait arrêté la composition parce qu'en fait, on pouvait plus répéter. Donc, on est parti en studio en se disant, bah tiens, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc on enregistre maintenant et puis on verra ce qui se passe. Donc, c'est vrai que le premier, il aurait peut-être pu être un peu plus complet, mais bon, il nous fallait absolument un premier support, tu vois. Enfin, ça, quand tu recrées un groupe de toutes pièces. Il faut que la discographie débute à un moment ou à un autre, quoi. Donc voilà, c'est le Covid qui a un peu forcé le truc. Mais oui, c'est un véritable album, évidemment. Oui, et puis on le regrette pas non plus, hein. Il y a des Oui, albums, il y a des groupes qui sortent des albums de 15 minutes. Donc tu vois, oui. c'est. Non, et puis pour le coup, je trouvais que peut-être il est peut-être moins original que celui que vous venez de sortir, mais il y avait des bonnes bases surtout autour de post-metal qui je trouve, enfin moi dès que je l'ai écouté cet album, il m'a happé. J'ai beaucoup aimé tous les titres. Je me suis dit, il est cool, quoi, cet album. Enfin, on va Ok. pas forcément trop en parler aujourd'hui parce que on va plutôt parler de votre nouveau, mais voilà. Eh Je trouve ben. ça marrant que vous aimez votre album, les gars. Bien sûr, non, on l'aime. Bon, on C'était l'aime, hein. une façon de présenter, tu vois, le contexte, un petit peu l'évolution, en tout cas, de ce qui s'est passé au niveau composition, puis au niveau des morceaux, au niveau discographie, quoi. Du coup, donc on va en venir un peu au style que vous pratiquez. Donc, pour moi, vous êtes dans ce qu'on appelle le post-metal avec pas mal d'éléments sludge qui viennent alourdir un peu les compos et donner le ton, quoi, dessus. Jusque-là, vous êtes à peu près OK avec moi? Thomas. Oui, plutôt, ouais. On voulait un peu. En fait, on n'est pas hyper au clair même entre nous sur tu vois les étiquettes machin, ce que ça Ouais. peut dire. Et en fait, même l'étiquette poste quelque chose, est-ce que Bah, ça veut dire encore c'est le quelque fourre-tout. chose? Est-ce que ouais, tu vois, ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, Souvent. voilà, ça nous va comme étiquette, même si Ouais. on aimerait bien ne pas s'en revendiquer ou tu vois. Oui, je comprends. Et qu'est-ce qui, du coup, vous a poussé à assembler un peu toutes vos influences ensemble, comme ça, pour en arriver là? Bon, après, okay. Si tu veux, c'est... Attends, je te la reformule peut-être un petit peu. Mais qu'est-ce qui a été apporté par qui pour créer votre son qui est quand même assez particulier, qui sort de l'ordinaire quand même, de ce qu'on peut écouter la plupart du temps? Alors, ce qui se passe surtout, c'est qu'on a notre guitariste Jordan, qui n'est pas là ce soir, mais... Qui amène énormément de choses, qui amène tout le riffing et tous les riffs, c'est quasiment lui qui les amène au départ. Et après, on a avec des éléments de batterie, et après, on passe tous ensemble, et puis après, on remodifie tout ensemble. Ce qui fait qu'en fait, chacun peut apporter un petit peu sa spécialité, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que tu peux avoir des plans aussi doom sludge que des trucs plus hardcore, plus rapides. T'as des passages batterie qui peuvent vite tourner à la Meshuga parce que Mathieu c'est quelqu'un comme ça. Tu peux donc en fait tout est mélangé et ça se fait au local. Après c'est vrai que Jordan amène énormément de choses au départ et puis voilà c'est notre façon de composer en fait voilà. Ouais c'est ça il y a vraiment la colonne vertébrale qui est amenée par Jordan et tout ce qui est arrangement tout ce qui est un peu travail du son aussi. On le fait tous ensemble. On a un peu des envies un peu différentes entre nous. Tu vois, de savoir s'il faut que ce soit un peu plus sale, que là, faut que ce soit un peu plus propre, etc. Tu vois, c'est quelque chose qui se travaille ensemble. Et pour le nouvel album, il y a aussi le travail en studio qui a été fait, qui n'a pas été fait sur le premier disque. Où donc Thomas Fournier qui a fait les prises, qui a mixé, qui a masterisé, nous a beaucoup aidé. Même sur le, lui, il avait envie de tester différents amplis guitare, différents réglages de batterie, différents haut-parleurs, etc. Donc du coup, on a pu avoir ce privilège, tu vois, en studio de pouvoir tester des choses. Et c'était cool. Et du coup, tu vois, de se dire, bon, bah, en fait, on va prendre telle combinaison de haut-parleurs avec tel micro parce que c'est le son qu'on veut. Et au final, tu vois, même le son de ce qui sortait du studio pas mixé, c'était déjà presque ce qu'on voulait, quoi. Parce que la source était travaillée de façon à ce que ça nous plaise même dans ce qu'on entendait dans les écoutes du studio, quoi. Ouais, ok, voilà. Après, enfin, de toute façon, à l'écoute, on le sent de suite que ça a été travaillé et très bien travaillé. Et de toute façon, votre style, si vous le pratiquez entre guillemets à la va-vite, on tombe de suite sur une bouille inaudible, je pense. Donc, moi, ça, ce que vous dites m'étonne pas vraiment sur ce rendu comme ça. Et du coup, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que vous avez durci un peu le ton sur cet album par rapport au précédent. Il y a un petit peu plus lourd, un petit peu plus. Je pense qu'on a assumé plus de choses. Vas-y, Dess, je te laisse continuer. Non, bah, je pense que c'est ce que tu allais dire. Ouais, je pense que si tu veux, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on a vraiment pris le temps, on a conjugué aussi l'écriture de la musique avec l'écriture des textes et du message et de tout ce qu'on avait envie de dire, vu qu'on écrit à plusieurs en plus. Ce qui fait qu'en fait, c'est vrai que peut-être tous les passages oppressants sont peut-être plus oppressants que le premier, les passages violents sont peut-être plus violents. Donc, comme on a eu le temps, c'est vrai qu'en fait, on arrive et avec un son meilleur. Effectivement, c'est forcément le résultat est différent et puis est plus abouti en tout cas que le premier. Ouais, il y a ce truc où tu as ce que tu disais sur Banditu, le fait que le son est plus violent, c'est qu'en fait sur le premier, le son on l'a pas vraiment travaillé quoi. On arrive en studio, pour le premier album, on a posé nos amplis, on a enregistré les riffs et voilà. Alors que là, il y avait une volonté de chercher un grain, de chercher quelque chose, une couleur en amont qui correspondait plus à ce qu'on voulait. Bah, le contraste est marrant en plus parce que dans cet album, vous avez des textes qui se veulent optimistes malgré le fait qu'il fallait y passer par la rébellion commune pour aller un peu abattre ce qui est en place aujourd'hui pour obtenir quelque chose de meilleur et de nouveau. Donc c'est un peu marrant que vous soyez plus agressif malgré tout. Comment est-ce que vous pouvez, parce que là j'ai essayé de l'expliquer votre thématique mais peut-être pas super bien, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus de cette thématique que vous avez voulu aborder? Bah, vas-y, commence. Okay. Oui, alors ce côté plus violent, tu vois, bah, t'as parlé de la thématique de la rébellion, etc. Ça fait référence au titre, hein, Defiant Cure, tu vois, c'est un peu le remède de défiance, etc. Ce que représente le rejet de l'autoritarisme, de tout ce qui est oppression, etc. Et puis ça se manifeste comme ça, tu vois, ça se manifeste, j'ai presque envie de dire que c'est dans l'air du temps d'être un peu en colère contre ceux qui nous dirigent. Et voilà, ça se transmet, enfin ça se ressent, je pense, dans l'énergie du disque, cette envie de rébellion, sans pour autant arriver dans des clichés, entre guillemets, punk, etc. Et il y a aussi le fait, ce que tu disais, un petit peu plus d'optimisme, c'est dans les paroles, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nuance dans les textes, de savoir que c'est violent, c'est pas beau, mais ça veut pas dire qu'il faut se laisser abattre. Et tu vois, on a utilisé cette phrase de Gramsci qui parle de. Ah, Vas-y. t'avais une question là-dessus? Non, vas-y, vas-y, je l'ai lu justement cette phrase que vous avez un peu dans tout ça, donc, mais vas-y, parle-en, c'est très bien. Ouais, bah en gros, Gramsci, c'est un mec qui a passé sa life en prison à cause du régime fasciste italien. Et en gros, tu vois, donc la phrase qu'on a utilisée, nous, elle nous parlait, elle était très métaphorique sur le fait Oula. que le monde, il était balbutiant entre, on va dire, le vieux monde et le nouveau monde, qui serait mieux, etc. Et que là, on est en pleine résurgence d'autoritarisme, etc. Mais il y a fait que Gramsci disait aussi que il était pessimiste par intelligence, mais il était par intelligence, et il était optimiste par la volonté de dire que il n'y a pas de rébellion sans optimisme, il n'y a pas de combat politique sans optimisme, etc. Et ça me semble ultra intéressant. On a perdu Death, mais Ah oui. on va continuer ensemble. Il va réapparaître, je Oui, pense. oui. Et du coup, je trouve que votre pochette fait directement le lien avec cette thématique, parce que le Minotaure et le fait d'être un peu enfermé dans ce labyrinthe, de tourner en rond encore et encore, pour enfin réussir à l'abattre, et derrière, se libérer de ses chaînes. Je pense que c'était une volonté aussi, ou je suis allé trop loin dans l'interprétation de la pochette. Non, non, t'es pas du tout allé trop loin dans l'interprétation. Il y a ce côté, ce que tu dis, tu vois, on combat un peu le Minotaure, mais il y a le fait de pas oublier que finalement, le Minotaure, ça peut être nous aussi, tu vois. C'est un peu cette espèce de dualité entre ce qu'on a envie de combattre et ce qu'on peut devenir. Est-ce que tu as entendu le début de la question, Death? Bah non, ça a coupé, mais Ah, tu veux rebondir dessus? Bah, c'était le fait qu'il y a un lien entre la thématique de nos textes et la pochette de oui, l'album. bien sûr, mais dans cette pochette et dans ce qu'on dit, c'est comme dit souvent Antoine, notre chanteur, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de textes avec une double lecture que tu peux avoir. Si tu veux. C'est qu'en fait, tu peux y aller très simplement combattre le Minotaure, défendre la veuve et l'opprimé, tu vois. Puis en même temps, comme disait Thomas, ben, tu combats ton propre monstre et c'est souvent c'est toi. Il y a une phrase qui dit on est notre propre prédateur, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, du coup, tout est un peu lié. Donc dans pas mal de textes, tu le retrouves ce thème-là. Et puis ben, le symbole du Minotaure, et puis représenter un petit peu tout ça, quoi. D'ailleurs, vous avez continué avec cette thématique du Minotaure dans votre premier clip pour l'album. Donc, la chanson, c'était The Heart of Tyrant. Moi, je l'ai trouvé assez obsédant, ce clip, parce qu'on revient toujours sur les mêmes choses. Je suppose que vous en êtes quand même assez fier du rendu. Ouais. Oui, on est fiers. En fait, c'était pareil. Là, on peut parler d'une histoire de moyens. En fait, on a fait pas mal de choses sur les deux vidéos qu'on a sorties avec très peu de moyens. Donc, en fait, on a fait ce qu'on a pu, on va dire. Mais sur un morceau de 6-7 minutes, quand tu te mets à faire de la vidéo, ça peut être. Mais en fait, c'est aussi un peu une volonté. quand tu tournes en rond dans un labyrinthe, le temps peut être très long et puis tu repasses souvent au même endroit, tu vois. Donc, oui. Donc y a ça. Et puis après, il y avait aussi la mise un peu en valeur de la voix de Love qui nous accompagne sur ce morceau, quoi, qui est invité sur ce morceau. Et c'est un morceau assez à part. Dans le disque, il y a trois morceaux qui sont liés. Donc, il y a les deux interludes qui entourent The Art of Tyrant. Et c'est, on a voulu faire tout ce passage sur ce thème-là. Et le clip met un peu en valeur tout ça, quoi. Voilà, en image, tout ça. Oui, vous avez pour projet de clipper un autre morceau ou déjà un titre clippé, c'est déjà très bien pour vous? En fait, on en a deux. Hein. On a aussi From the Dead. Ah ben je l'ai pas vu, pardon. Okay. Bah, pardon. On va le diffuser en direct. Allez. j'ai mal fait mon boulot. Autant ouais, on a ressorti le titre From This Day On une semaine avant la sortie du disque. C'est un clip plus live. Enfin tu verras. Ouais. Bah, et, c'est un morceau beaucoup plus court, par contre beaucoup plus carton et qui montre aussi un petit peu ce qu'est Altarossa en live, quoi. Voilà. Ouais. Même si c'est un peu écrit quand même, mais c'est assez simple avec la mise en valeur de la musique, puis en même temps c'est assez speed et assez chirurgical, on va dire, comme clip. Voilà. Okay. Bah, tu me fais la transition de tout trouver parce que je voulais vous parler un peu de live. J'ai pas vu de date annoncée pour l'instant. Je suppose que vous avez quand même envie d'aller défendre cet album justement sur scène. Vous avez des choses qui sont en train de se mettre en place pour 2025? Oui, on a on fait la, on va dire la release partie officielle de l'album chez nous à Besançon, à la Rodia, avec nos potes de Halls qui font aussi du post-metal un peu plus peut-être traditionnel post-metal. Et on annoncera quelques dates à cette période-là. Donc, on joue le 23 janvier à la Rodia. Et puis, donc là, on est en phase de booking. On attend des réponses pour des choses qu'on puisse les annoncer, etc. Donc, oui, pour l'instant, on ne peut rien te dire à part cette. Bien sûr, c'est normal. Le 23 janvier. En fait, on a pas mal de choses dans les tuyaux, mais c'est vrai que le booking, ça reste quand même encore un gros morceau pour nous parce qu'on fait tout seul. Donc, de faire des clips, de faire le booking, de faire la promo, de faire pas mal de choses. Et du coup, le booking, ouais, on attendait vraiment la sortie de l'album, si tu veux, puis en ayant un petit peu de presse, et je pense que ça nous aidera forcément. Mais évidemment, on va le défendre. Après, on est parti il n'y a pas si longtemps, on a fait quelques dates en Allemagne, en Suisse. Enfin, sur les deux, trois dernières années, on a plutôt joué pas mal par rapport à la musique de niche qu'on peut faire, hein, par rapport à d'autres groupes. On s'aperçoit quand même qu'on fait quand même plutôt pas mal de live. Mais là, le but du jeu, c'est de monter des tournées peut-être un peu plus conséquentes et puis jouer dans des lieux un petit peu plus stratégiques pour nous. Ouais. Et puis qui correspondent bien à ce qu'on fait. Puis aussi, toujours continuer d'accrocher quelques supports, tu vois, avec des groupes qu'on kiffe, quoi, comme on a déjà fait plein de fois. Mmh. Mais ça va prendre forme petit à petit, je pense. Ouais. En tout cas, si, on va annoncer pas mal de choses, mais on attend d'en avoir assez pour tout annoncer d'un coup, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, ça se comprend aussi. Plutôt que de les annoncer au compte-goutte, ça marque toujours un peu plus. Et tu parlais de faire des supports. Il y a des groupes avec lesquels vous adoreriez tourner? Oh, il y en a plein. Il n'y a que ça. Ouais. Il y en a plein. Non, bah, passer de jour dans l'année. Tourner ou pas tourner, mais en tout cas, on sait que quand tu peux faire plusieurs dates de suite avec un groupe, ça permet quand même de... Ça crée un lien. De bonifier un petit peu l'échange, ta rencontre, tu vois, c'est. Il suffit pas de beaucoup de dates, tu vois, là, on a fait les deux dates en Allemagne, on a joué avec Inter Arma, c'est un super groupe qu'on kiffe, et on a passé deux soirs de suite avec eux, c'était plein d'enseignements pour nous, puis c'était super d'échanger avec un groupe ricain comme ça, de cette pointure. Et puis après, ouais, évidemment, on aimerait. J'aimerais jouer avec tout le monde, moi. Non, mais vous auriez pu en avoir un en particulier qui vraiment vous fait kiffer à. Bah après, à si partager, c'est. Ça, si, mais... après, là on kifferait avec Thomas, je pense qu'on aimerait bien jouer avec Amenra, par exemple, tu vois. Ou moi, plus personnellement, j'aimerais bien jouer avec Converge. Je pense que Converge, c'est un consensus dans le groupe. Ouais, Ouais, oui, je en pense même que temps, quand on regarde c'est. les 5, je pense qu'on sera assez d'accord de dire que ce serait un gros kiff de jouer avec. Après, c'est toujours pareil. Si c'est pour faire un support, tu vois, où c'est très impersonnel et tout, ça va super vite. Mais pourquoi pas, en tout cas, au moins pour le live. Oui, Voilà. bien sûr. Oui, bah c'est toujours l'équilibre entre le support où tu peux vraiment montrer qui tu es ou, et le support où tu étais là juste pour être là, mais il n'y avait personne, tu as joué dans de mauvaises conditions et tu Ouais, c'est regrettes ça. presque. Ouais, c'est ça. Tu te mets devant leur matos, t'as pas de place, machin, tu vois, enfin, c'est typique. Mais après, il y a aussi plein d'autres groupes français, un petit peu plus, on va dire, de notre niveau ou de la scène dans laquelle on tourne, avec qui on aimerait tourner. Hein. Oui, bien sûr. Là, Non, mais là, je te demandais des choses on parle de gros énormes. trucs, quoi, tu vois, mais. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bah, écoutez, les gars, déjà, un grand merci pour avoir répondu à mes questions. Moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller vous écouter parce que moi, j'ai pris un grand plaisir à vous découvrir sur cet album. Allez aussi écouter le premier parce qu'il est cool. Malgré ce que vous pouvez dire. Mais Il est sinon, on cool, aimerait. je Cool. sais, je sais. Sinon, on cherche des dates sur Toulouse aussi. Ouais. Donc, voilà, On on va en en parle profiter. en off après. Et voilà, et puis essayer d'aller les voir sur scène dès qu'ils vont annoncer leur petite date. Mais vraiment, moi je suis conquis et je vous laisse le mot de la fin, les gars. Eh ben, merci, merci à tous. Et puis, ouais, comme je disais, au plaisir d'emmener Altarossa un petit coup dans le sud-ouest et puis de rencontrer du monde et de te rencontrer. Voilà. Ouais, Ce sera. merci beaucoup Nico. Puis surtout, faut pas hésiter, même si c'est pas nous, aller voir des groupes en concert, aller voir des groupes dans les CAFCONS, dans les petites salles, dans les SMAC, etc. Tant que ça existe encore. Merci beaucoup les gars. Merci. Salut Nico.